Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va commencer l'émission en parlant d'alimentation, de santé, de facteurs socio-économiques qui peut-être peuvent mener vers des risques cardiovasculaires. On en parle avec notre chroniqueur spécialiste en épidémiologie nutritionnelle, j'ai toujours du mal à le dire, donc j'ai nommé Benjamin Alès. Finalement, c'est tellement plus facile, Benjamin Alès. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Donc oui, en fait, je vais vous parler des inégalités socio-économiques en santé. Elles sont étudiées dans de nombreux pays industrialisés. On sait que, en fait, pour mener une action de santé publique, notamment pour prévenir certains problèmes de santé, il faut connaître la population à laquelle on s'adresse pour adapter cette action. Et en fait, c'est ce qui motive ces études. Donc on sait qu'aujourd'hui, le risque de développer une maladie cardiovasculaire n'est pas le même dans toutes les strates socio-économiques d'une population. Il y a des inégalités majeures qui peuvent exister entre les personnes les plus faibles sur le plan socio-économique, qui sont beaucoup plus à risque de développer un problème de santé cardiaque, et les gens plus aisés qui seraient moins à risque. Donc les habitudes de vie, dont l'alimentation, sont aujourd'hui reconnues comme un facteur majeur qui influence ces inégalités. Ouais, donc les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes risques de présenter des maladies cardiaques. Donc les riches et les pauvres n'ont pas non plus les mêmes modes de vie. Alors quels sont les facteurs du mode de vie qui expliquent les inégalités de risque de maladies cardiaques entre les riches d'un côté et les pauvres de l'autre? Alors ces inégalités s'expliquent en fait par le fait que les gens qui appartiennent à des groupes socio-économiques les plus faibles sont plus exposés à des facteurs de risque majeurs de ces maladies tels que le tabagisme ou une surconsommation d'alcool. Ouais. Donc ça, ce sont des données épidémiologiques générales. Donc ces groupes socio-économiques sont également exposés à d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qui sont cités dans la littérature scientifique, comme le fait de vivre des événements de vie négatifs, donc connaître un drame quelconque, un décès, etc., chômage, ou du stress, du chômage, etc. Et une faible utilisation du système de santé, notamment pour tout ce qui est des mesures préventives. Donc, pour les inégalités qui sont dues aux habitudes de vie, la recherche a beaucoup étudié en fait le rôle de l'alimentation ou aussi du manque d'activité physique. Et ce sont deux facteurs majeurs qui sont associés au risque de développer une maladie cardiaque. Et ils sont aussi ces facteurs reliés aux inégalités socio-économiques. Et quel lien on peut faire entre les inégalités socio-économiques et l'alimentation? Est-ce qu'on a repéré certaines façons de s'alimenter dans des groupes plutôt que d'autres? Tout à fait. Donc la recherche en sociologie de l'alimentation, comme on appelle cette discipline, a permis de déterminer que d'une façon générale, les gens qui appartiennent à des groupes socio-économiques qu'on dit favorisés, notamment c'est des gens qui vont avoir un plus haut niveau de scolarité par exemple, ils vont adopter des comportements alimentaires plus sains. Ils consomment par exemple en général plus de fruits et légumes, des produits laitiers, plus de produits laitiers faibles en gras, ou alors des aliments qui sont plus contenant des céréales complètes, alors que des personnes qui appartiennent à des groupes plus bas, là encore c'est des données épidémiologiques générales, vont avoir une plus forte consommation de viande et de produits gras. Ah oui, plus de viande, ça me surprend un petit peu. Ouais, donc c'est, mais pas forcément des viandes rouges, etc. On parle aussi de viande transformée, charcuterie, etc. Ouais, c'est ça, exactement, Donc il y a une équipe de chercheurs aux Pays-Bas qui s'est penchée sur cette question. Ils ont voulu en fait tester à quel point l'alimentation pouvait influencer les inégalités socio-économiques dans le cadre des risques de développer une maladie cardiovasculaire. Donc ils ont utilisé un échantillon assez conséquent de 33 000 sujets. C'est pas mal de monde. C'est quand même une grosse enquête épidémiologique qui résidait aux Pays-Bas. Donc les participants dans l'échantillon avaient tous été suivis sur une période qui pouvait aller jusqu'à 10 ans. Et pendant cette période, on allait enregistrer tous les événements cardiovasculaires qu'ils pouvaient subir. Donc ces événements pouvaient être, ici dans cette étude, on a regardé en particulier un accident vasculaire cérébral, donc une atteinte vasculaire au niveau du cerveau, et les problèmes coronariens. Donc ça, c'est les problèmes qui touchent les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur, les artères, les vaisseaux coronaires. Et c'est ce qui permet au cœur de fonctionner correctement. Donc les sujets qui étaient inclus dans l'étude avaient également eu un questionnaire détaillé sur leur habitude de vie, activité physique, etc. Qu'est-ce qu'ils mangent? Donc ce qu'ils mangent était recueilli de façon particulièrement précise par des diététistes nutritionnistes. Ouais, donc sûrement pour faire le lien entre ces habitudes et les accidents, les problèmes cardiaques. Donc est-ce que les chercheurs ont pu aussi vérifier si les participants avaient des habitudes alimentaires différentes selon leurs conditions socio-économiques à travers cette étude. Ouais, donc c'était l'hypothèse qu'on évoquait qui a été vérifiée dans cette étude. Les sujets qui avaient un plus faible niveau socio-économique consommaient en effet moins de fruits ou de jus de fruits et avaient de plus forts apports en viande, pommes de terre, beurre, mm-hmm. d'autres matières grasses aussi plutôt animales, mais aussi des boissons sucrées. Donc, voilà. Donc ensuite, les chercheurs, ils ont pu observer que l'alimentation, elle représentait une augmentation de 56% du risque d'accident vasculaire cérébral et de 30% du risque de maladie coronarienne, et ce seulement dans le groupe socio-économique le plus faible en mm-hmm. termes de niveau de scolarité. Mm-hmm. Et les autres facteurs importants pour le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, comme bon, le fait de fumer, t'en as parlé tout à l'heure, ou avoir une forte consommation d'alcool, est-ce qu'on les trouve aussi associés aux inégalités socio-économiques? Oui, donc dans cette étude, les chercheurs ont pu aussi vérifier que le tabac et la consommation d'alcool, ils expliquaient en effet des différences de risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Mais c'était de façon moindre par rapport à l'alimentation. Ah oui. Donc c'est l'intérêt, ouais, c'est ça qui est intéressant dans cette étude-là. Et c'est si on prend l'exemple de l'accident vasculaire cérébral, le tabac par exemple représentait une augmentation de 22% du risque d'accident vasculaire cérébral et la consommation d'alcool une augmentation de 14% mm-hmm. du risque de maladie coronarienne. Alors que l'alimentation, comme je le disais tout à l'heure, c'était 56% ah ouais. pour l'accident vasculaire cérébral et 30%. Donc c'est quand même une... Donc l'alimentation semblait plus importante. L'alimentation de ces groupes socio-économiques-là est vraiment un facteur plus déterminant. Et comment les chercheurs expliquent cette différence majeure de qualité de l'alimentation et son lien avec la santé cardiovasculaire? Non, en fait, les chercheurs ils soulignent que bien souvent, les gens en fait, dans ces catégories socio-économiques ont des plus hauts niveaux de scolarité. Donc, ils sont mieux outillés en termes de connaissances, en termes pour faire un choix en fait, d'alimentation plus équilibré. Mm-hmm. Et aussi, ils ont accès, parce qu'ils sont appris, ils sont souvent dans des catégories socio-professionnelles plus hautes, ils ont accès à des environnements alimentaires qui vont être plus, hein, une meilleure variété alimentaire, mm-hmm. etc. Donc, le niveau de scolarité plus élevé, il peut aussi influencer, sur un autre plan, les mesures de santé préventive, c'est-à-dire le fait que les gens vont aller plus souvent faire des examens, consulter des médecins pour prévenir des maladies. Donc les chercheurs, grâce à cette étude, on a vu qu'ils avaient semblé apporter de nouvelles preuves d'évidence scientifique sur le fait que l'alimentation, qui est plutôt une alimentation déséquilibrée, contribue à part entière à l'élévation du risque cardiovasculaire. Déséquilibrée dans les groupes faibles socio-économiques. C'est ça, ouais. Dans ces groupes-là. Ouais. Donc l'hypothèse que l'alimentation, c'est le reflet d'une condition socio-économique, dans le cadre ici des maladies cardiovasculaires, elle est particulièrement vérifiée. Mmh. Alors du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer ces résultats dans la prévention de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il faudrait davantage cibler ces populations vulnérables, par exemple? Alors oui, ce que les chercheurs ils ont mis en avant aussi dans leurs conclusions et dans la discussion de leur étude, c'est que les populations les plus vulnérables ont besoin d'une attention particulière en termes de sensibilisation nutritionnelle. Donc, c'est-à-dire renforcer en fait leurs connaissances autour de l'alimentation. Donc, des programmes qui s'adresseraient plus spécifiquement à eux et à ce qu'ils mangent. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis il y a aussi l'activité physique régulière qu'il faut aussi les sensibiliser à ça. Ensuite, il faut également faire des mesures plus politiques pour les aider à accéder à une offre alimentaire de meilleure qualité. Donc, il y a par exemple les études, elles servent à justifier d'autres actions de santé publique comme la distribution des coupons d'aide alimentaire aux populations des quartiers démunis. Donc, ça a été fait en Europe et aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est les gens qui détiennent des coupons peuvent aller à l'épicerie avoir des rabais sur, par exemple, les fruits et légumes pour les inciter à en acheter. Donc là, les conséquences de ce type de politique-là sont pas encore les effets bénéfiques de ces, enfin, les conséquences bénéfiques, pardon, ne sont pas encore complètement démontrées sur le point de vue scientifique, mais les premiers résultats sont quand même encourageants et on se dirait que ces actions sont utiles afin de lutter contre les inégalités socio-économiques. Mmh, mmh. Donc, on faudrait encourager les politiques de santé publique en nutrition car pourrait réduire les inégalités socio-économiques en santé. Et en particulier pour le risque de maladies cardiovasculaires qui représente un fardeau pour les systèmes de santé du monde entier. Mmh, c'est vrai. Voilà qui pourra peut-être inspirer les partis politiques qui cherchent toujours comment des solutions pour savoir comment finalement soulager le système de santé. Voilà peut-être une solution pour améliorer l'alimentation des groupes faibles socio-économiques. Donc merci beaucoup Benjamin. Merci. On passe maintenant en musique, mais restez sur CKRL. Au retour, on vous parle de la cigarette électronique.